L'appartement des Blanchet, c'est celui qui a un balcon ? Non, celui-là, c'est celui des Merciers. Celui des Blanchet est à l'étage au-dessus. Ah, il doit être plus grand que le tien, non ? C'est difficile à dire. Les deux appartements sont différents. Le leur a une forme plutôt carrée, alors que le mien est tout en longueur. Comme tous ceux qui sont au deuxième étage. C'est comme le nôtre, alors.